Pour tous vos problèmes en électricité, c'est les électriciens du Nord qu'il faut contacter. Une équipe d'expérience qui est en affaires depuis 40 ans et saura bien vous conseiller pour vos différents ennuis. Nous faisons la vente d'équipements neufs ou usagés au niveau résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. Les électriciens du Nord, c'est au 1025 Première Rue à l'Ascension, au numéro de téléphone 418-347-5103. Le propriétaire des électriciens du Nord, M. Ghislain Tremblay, rappelle qu'acheter localement protège notre économie. C'est la chronique du mercredi de la Ligue nationale avec notre collaborateur, un de nos collaborateurs. Là, on va parler avec Joe Hardy. Salut, Joe. Salut, jeune homme. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Joe, la Ligue nationale va demander sur son site Internet au cours des prochains jours, parce qu'on sait qu'on est encore dans le centième anniversaire, un centième ridicule qu'on a fait à Montréal la semaine passée, mais ça, c'est autre chose. On va demander aux amateurs leur meilleur souvenir. Toi, c'est quoi ton meilleur souvenir? Bon, c'est sûr que mon meilleur souvenir, c'est sûr que si tu demandes ça à un ancien joueur de hockey, il va se rappeler de son premier but, exemple, dans l'université. Ouais, mais comme amateur. Mais comme amateur, écoute, moi, l'année que j'essaie de me rappeler de l'année que Gretzky avait scoré 50 en 50, là. Ouais. Ça, moi, pour moi, c'était, regarde, presque infaisable, là. Ça, mais tu sais, je ne me rappelle pas de l'année exacte parce que ça fait déjà quelques années, là. Si. Ça, c'est quelque chose que j'oublierai pas. Moi, là, le 50 en 50, il fallait le faire à ce moment-là, là. OK. Pas évident. Non. Moi, c'est évidemment, en tant que partisan du Canadien, même si quelque part, je ne suis pas un fan, là, mais c'est le but de Claude Lemieux en 86 contre les Oilers d'Hartford. Ça, c'est quelque chose. Ça avait été une bonne. C'est pas mal le but qui a donné la chance aux Canadiens de gagner la Coupe cette année. Ça, puis le but de Steve Smith dans son filet contre les. Ouais, ouais, à Edmonton. Ouais. Donc, c'est pas mal ça, les meilleurs souvenirs, le but de Claude Lemieux. Joe, Marc Bergevin. Et c'est, mettons que ça va pas tellement bien, hein? Ben, écoute, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que, écoute, moi, maintenant que je fais pas mon vélo à l'extérieur, je vais m'entraîner à l'intérieur ici à Place Laurier. On en parlait ce matin, tu sais, puis, écoute, moi, j'ai pas vraiment d'équipe préférée. Je suis pas un personnage du Canadien, mais tu veux dire, c'est pas que je les déteste, là. Mais, puis je disais à quelqu'un, un gros personnage du Canadien, je sais pas pourquoi que tout le monde se lamente, là, tu sais. On est à 5 points d'une place d'inscription. Ouais, mais il y a tellement d'équipes. Il y a tellement d'équipes. Tout le monde répond ça, il y a tellement d'équipes. Mais ces équipes-là vont jouer une contre l'autre. Fait que, admettons qu'il y en a 8, ça tombe à 4, là, parce qu'il y en a 4 qui vont perdre là, sur les 8. Là. Fait que tu sais, à quelque part, c'est la même chose que si quelqu'un disait, ben, je sais pas moi qui est en 6e position, as-tu des chances de finir premier, puis il est à 6 points. Pourquoi que celui en 6e a des chances de finir premier, puis quand t'es 13e, t'as pas de chance de faire les séries, tu sais. Il y a 20 matchs de jouer. Si tu me disais, après 55 matchs, ils sont arrangés comme ils sont là, je te dirais, ça va pas bien. Puis là, ils ont commencé à parler que, j'entendais ça à Sportsnet hier, que... Nick Kiprios, je te vois venir. Au Thanksgiving Day, là, qui est demain aux États-Unis, la position que tu occupes à ce moment-là, c'est la position que tu vas terminer à la fin d'année. Voyons donc. C'est un paquet de statistiques, là. Le Canadien, c'est point à la ligne comme la plupart des équipes où toutes les équipes du hockey depuis que le hockey existe, ils dépendent de leur gardien de but. Okay? La perte de Price, quand même comme le monde me diront, Lindgren a fait la job. Oui, il a fait la job, mais c'est pas Price. Ok. Alors, Price, c'est un gars qui peut voler des matchs. On a un exemple parfait. Moi, je pense, j'ai regardé le match hier à Edmonton contre Saint-Louis, et je pense que l'équipe, hier, Talbot n'a pas performé, puis ne performe pas cette année. Mais c'est selon moi, de ce que j'ai vu hier par expérience, les gars ne veulent plus jouer pour McLellan, et puis ça va écouter sa job. Mais si Talbot faisait les arrêts, on oublierait ça. Fait que dans le cas de Julien Terrien, Bergevin, ben, ils dépendent de leur gardien. Mais par contre, je vais te répondre une chose. Quand Price va faire un retour, je sais pas si c'est lui qui garde les buts à soir. Non, c'est une Niemi ce soir. Bon. Alors, quand Price va revenir, si ça demeure comme c'est là, il y a quelqu'un qui va sauter. Parce qu'on est-tu d'accord? On va-tu être d'accord sur une chose? Si c'était un autre que Julien qui vient de signer un contrat de 5 ans, qui est en arrière du banc, avec la façon que l'équipe a joué depuis le début de l'année, il n'y aurait plus de job. Il serait dehors. Ce serait fini. Parce que Terrien est pas mal fait. Là. Si on compare les deux, là, Terrien est en tête. Ils l'ont mis dehors. Mais Joe, crois-tu sincèrement que de la façon que ce club-là joue, Tu sais, défensivement, on a des problèmes. On est 30e en attaque. Je l'ai marqué l'autre fois, 28e en défensive, 29e en avantage numérique, 28e en désavantage numérique. Que tu vas faire des séries? Ben écoute, si tu regardes, moi, je reviens à la case de départ. Ouais. Je regarde à l'entour de toi. Ils n'ont pas 30 points dans la liste. Si tu me disais qu'ils sont 25 points dans la liste, je regarde, ils sont archi pourris. Le problème, moi, que je vois, là, personnellement, c'est que tu regardes tes 7 premiers compteurs du Canadien, moins 11, moins 9, moins... Tu sais, là, c'est les Drouins, c'est les Pacioretty, moins 11. Moi, j'ai jamais été un ardent partisan de des plus et des moins. Mais à un moment donné, là, quand tu es joueur ou quand tu coaches, tu parles à un joueur, que ce soit junior, bantam, n'importe quelle ligue, mais c'est toujours toi qui es sur la glace quand l'autre équipe compte. Tu commences à te poser des questions. Comment ça fait que c'est... Tu sais, c'est toujours Pacioretty. Tu sais, je regardais tout le monde parlant bien de Dano, puis je le respecte, c'est un des gars que je garderais dans le ménage, là, comme troisième centre. Mm. Mais Dano, il est moins 9. Ça n'a pas de bon sens, ils sont tous... À part de Gallagher, qui est moins 2, tu sais, Plekanec est even. Comment ça que Plekanec est even, puis les autres sont moins 11, moins 9, moins 7? Ça veut dire que Plekanec, il se fracasse de sa défensive également, parce que les autres n'ont pas beaucoup plus de points que lui, là. Tu sais, Drouin, ils l'ont vendu quasiment comme McDavid, il a 13 points. Il y a 13 points. Tu sais, à quelque part, il y a d'autres choses qu'on comprend pas, que ce soit un ancien joueur, que ce soit un joueur actuel, tu regardes ça, il y a quelque chose qui va pas. Mm. Et moi, je pense que qu'est-ce qui va pas? Un, c'est l'absence de Price. Là, les gens vont dire Price, mais Price, c'est un des bons gardiens de la Ligue, hein? On est d'accord là-dessus. Alors, à partir du moment où tu l'as pas, ta confiance est ébranlée. Mais je te répète ce que j'ai dit au début. Si Price revient, ça continue. Si Price joue comme il a joué au début de l'année, il y a quelque chose qui va sauter. Puis moi, je pense, je te dis aujourd'hui, au moment où on se parle, les deux grands dangers, c'est Bergevin et Julien. D'après moi, ça va être un ménage total. Ça va être un ménage total, parce que cette équipe-là, écoute, là, toi puis moi, là, quand tu regardes ça, puis je vais te poser la question, si le Canadien avait, au moment où on se parle, en arrière, Subban, Emeline, Beaulieu, Sergachev, Markov, est-ce que tu penses qu'il serait meilleur que la défensive qu'ils ont actuellement? C'est clair que tout ton flanc gauche a été hypothéqué. On a enlevé le flanc gauche. Puis on ne l'a pas rappelé ça. Écoute, quand Joe Morrow joue plus, Joe Morrow, qui est un septième défenseur, ton point de poste, c'est un réserviste, Joe Morrow, qui est rendu dans le top 6. Ben, tu sais, à quelque part, ça se passe à savoir ordinaire. Tu sais, puis la pire affaire qui est arrivée dans tout ça, puis des fois, on fait des déclarations qu'on ne devrait pas faire. Je te vois venir, oui, c'est clair. Quand Bergevin te dit qu'il avait une meilleure défensive l'année passée, moi, je suis assis dans mon salon, je regarde le hockey comme toi, dans notre salon, on n'est pas sur place, puis on se demandait ce qu'il y avait à la tête pour dire une affaire de même. Comme quand il a signé, puis on en avait parlé, c'était avec Robbie Moreau, je n'avais parlé, quand ils ont signé Osner, come on! Les journalistes de Washington espéraient que Washington ne signe plus Osner. Mm. Il s'en va le signer à 4,6 millions. Tu sais, c'est quand il dit qu'il ne peut pas échanger, Bergevin, j'ai du respect pour lui, là. Mais moi, en tant que si j'étais le grand patron, j'attendrais qu'il sorte du gouffre pour dire à Bergevin, à partir de là, on va faire quelque chose. Parce que Bergevin, si l'équipe, s'il n'est pas capable de bouger, comme il dit, c'est parce que lui, il s'est arrangé pour pas bouger quand en donnant 6 millions à Plekanec, en faisant un paquet de signatures trop chères. Parce qu'au moment, moi, le dernier coup qu'on s'est parlé, Danny, c'est quand tu m'as demandé, j'ai dit, garde, là, il y a un gros travail. D'abord, la défensive est à reconstruire. Oui, c'est clair. Tout le flanc gauche. Moi, personnellement, entre toi puis moi, on parle comme si on était assis dans notre salon. Moi, demain matin, là, admettons qu'ils perdent les deux prochaines à soir, puis samedi contre Buffalo. C'est Lindgren, Price, pas échangé, Mété, Drouin, Dano. Le reste, tout est échangé. Ils sont sur le marché. Je les mettrais tous sur le marché. Dano regarderait comme troisième centre. Drouin, bon, on peut pas y enlever son talent, même s'il produit pas comme il devrait. Puis tu gardes le jeune Mété. Et puis Lindgren puis Price, puis tu s'en vas avec ça. Puis tu dis le reste, là, fais comme Toronto. Mais le monde va-tu accepter ça? J'ai aucune idée. C'est Sergachev, là. On garderait Drouin, puis je garderais Drouin. Mais Sergachev, ils vont s'en rappeler d'avoir échangé ce gars-là. Prends ma parole. Je l'ai regardé jouer encore l'autre fois. Mais, hey. Oui. Mais Joe, pour avoir de quoi, il faut donner de quoi? On sait quelle position. On sait même pas quelle position qu'il peut jouer. Moi, d'après moi, c'est pas un joueur de centre. Non, est-ce qu'on va répéter la même histoire avec Drouin qu'avec Galchenyuk? Ben moi, le gars, là, tu sais, à quelque part, là, il y a 13. Moi, je reviens à une chose. T'as 13 points, t'es moins 9. Tu sais, il y a quelque chose qui va pas, là, tu sais. Mm. Je sais pas c'est quoi. Tu sais, le hockey, là, c'est... Tu sais, moi, là, je vais me répéter, puis je fais rire de moi quand je dis ça souvent. Tu sais, au baseball, the name of the game is pitching. Mm. Au hockey, the name of the game is goaltending. Tu sais, si t'as pas de goaler, ouais, les gens vont me dire Lindgren, il a fait la job 2-3 games. On parle de 2-3 games. Quand les deux games qu'il a perdu Lindgren, qui s'est fait varloper contre Toronto et l'autre avant, là, c'est deux games que tu pouvais pas perdre. Ça, c'est ces deux games-là, là, je me rappelle, ils parlaient déjà que c'était les deux games probablement les plus importantes de leur séjour à domicile. Ils sont varlopés, les deux games. Mm. Tu sais, là, Price, il a un très mauvais début de saison, on est d'accord là-dessus. Mais juste avec son nom, il peut faire un bout, parce que c'est Price. L'autre équipe est un petit peu plus intimidée au niveau de la façon de prendre des lancers, de la façon de jouer contre Price. Mais tu sais, à un moment donné, il y a plus que ça. Là. Puis je répète, Danny, tu vas rire de moi, prends les 7 premiers compteurs du Canadien, puis va dans la colonne des plus puis des moins. C'est une farce, là. Ça n'a pas d'allure. C'est la pire équipe de la Ligue. Ah oui. Ben écoute, 29e, 28e, 28e, 29e. C'est quoi, là, tu peux pas être d'un premier, là, Joe. Alors, il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Pourquoi que je te dis ça? Parce que je savais que tu me dirais ça. Comment ça fait que le Canek est plus, est even, là? Puis il joue autant que les autres, là, puis sinon, plus que bien des gars là-dedans, là. Puis lui, c'est drôle, des buts contre. Comment ça fait que Bergeron n'est pas d'un moins quand il joue, lui? Parce qu'il se fracasse. Alors, Julien n'est pas capable d'inculquer ça à sa gang, à ses stars. Puis là, ben là, tu t'en vas avec ça. Puis il m'a dit une affaire seconde. Moi, aujourd'hui, je parlais à quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de Montréal. Puis il m'a dit une chose. Tout le monde s'attend à ce que la bombe, elle va sauter, là. Il y a quelque chose. Bergevin va se faire Christopher dehors, ou Julien, les deux. Il va arriver quelque chose. Parce que là, tu sais, puis c'est plate. Parce que moi, là, en tant qu'ancien joueur, là, Danny, je suis obligé de te dire, je sais pas où la panique. Dans le fin fond, ils sont à 5 points des séries. Non, mais j'en reviens à ce que je disais. Ils sont comme toi. Là. C'est, ben oui, mais les nombres d'équipes qu'il y a en avant des autres, c'est des équipes qui vont jouer une contre l'autre. Il y a quelqu'un qui va perdre là-dedans. Là. Mm. Faut que le Canadien commence à gagner. Là. Joe, tu étais entraîneur. Canadien, encore hier, 2 buts dans à peu près 1 minute. Quoi ça peut dépendre, ça? Ça arrive souvent cette année, ça. Et ça, ça change. Cette année, c'est ça. Tu sais, là, c'est parce qu'on nous autres. Au Québec, si on a le Canadien en face, on suit le Canadien. Tu sais, c'est quelle équipe? C'est parce qu'on regarde tellement d'hockey. Il y a une équipe, je regarde, une bonne équipe, en tout cas, dans la Ligue. L'attaque à 5 pourrie à l'os. C'est une bonne équipe. Ben, je pense que c'est Pittsburgh, mais je ne suis pas sûr. Alors, à chaque année, l'hockey, quand tu regardes ça, là, comme toi, tu es plus jeune que moi, mais à chaque année, les séquences se répètent. Tu sais, à un moment donné, tu scores beaucoup de buts. C'est une équipe ordinaire, tu scores beaucoup de buts. Tout le monde se demande comment ça se fait. À un moment donné, tu ne donnes pas de but partout, puis tu perds des games 1-0, puis tu dis si on scorait. Tu sais, c'est des séquences. Là, cette année, si on donne une mauvaise séquence, c'est comme ils disent, OK, tu joues mal en première période. Personne. Il n'y a pas personne qui t'appelle à trouver raison. Après ça, là, c'est tu finis mal les matchs. Ou tu finis mal les périodes, ou tu joues mal à 4 contre 5. Actuellement, cette année, le Canadien, puis prends la game que tu as vue hier, puis prends les 8 autres games qui ont donné 2 buts dans une minute. T'essaies de trouver la raison, tu la trouveras pas, même si tu regardes les reprises pendant 27 fois chaque. Ouais. C'est que ça tombe de même. Alors, ça dépend-tu du coaching? Ça dépend-tu de qui t'embarque après te donner un but? Actuellement, le Canadien, en tant que coach, certain que Julien, là, la prochaine game qui est à soir, s'il donne un but, il va soit prendre un time-out ou penser vraiment qui on embarque. Ouais. Parce que là, tu sais, tu laisses-tu le trio, ça l'a, c'est... Moi, je ne sais pas, j'ai pas regardé toutes les reprises, mais les 9 fois qu'ils ont donné des buts, 2 buts en dedans d'une minute, c'est-tu le même trio qui est toujours sur la glace? Quand je dis le même trio, sans identifier de joueur, c'est-tu le trio qui vient de donner le but, qui est demeuré sur la glace, qui en donne un deuxième, ou c'est un autre trio? Fait que c'est ça qu'il faut surveiller. Si ça arrive qu'ils donnent un but ce soir, je ne serais pas surpris qu'ils prennent un time-out pour dire aux gars, les boys, c'est assez, là, c'est un, puis la titre, ou ils changent le trio qui était sur la glace, où il laisse ça là, puis il dit, garde, là, faut pas en donner un deuxième, tu sais. Mais l'autre affaire que je remarque, ça, par contre, c'est négatif, c'est que les fois que ça arrive, c'est souvent dans le début de période ou fin de période. Ouais. Le pire moment de la game. Ouais. Tu sais, à quelque part, mais en même temps, c'est beaucoup plus facile pour toi puis moi puis tes auditeurs, Danny, de régler les problèmes. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pour ça que... On donne notre opinion, là, mais... Ben, c'est ça qui est le fun. Mais Joe, moi, là-dessus, là, écoute, moi, je te l'ai souvent dit, le gérant... Moi, Marc Bergevin, puis je te l'ai dit, c'est pas la première fois que je vais leur dire souvent, je le dis à Marc Fortier, Stéphane Lebeau aussi. Moi, j'ai décroché de Marc Bergevin quand... quand il a fait aucun changement dans le système de recrutement, système de développement cet été. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décroché de Marc Bergevin. Puis alors que tout a été prouvé qu'il y avait des problèmes à ces niveaux-là, il a donné même une promotion à Trevor Timmons. Tu sais, à un moment donné... je t'en ai déjà parlé quand tu m'as déjà dit ça, je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi, mais en même temps, je suis obligé de te donner raison, ça me fait de la peine de te donner raison, c'est moi qui veux toujours avoir raison, non, c'est des farces. Mais non, mais je suis obligé de te donner raison qu'à un moment donné... Faut que tu fasses jamais. L'Union majeure, mais quand, à Shawinigan, c'est qu'à un moment donné, des mauvais choix, ça te rattrape. Tu sais, quand on dit des mauvais choix, j'identifie pas des joueurs qui ont été des mauvais choix. Parce que, tu sais, le dépisteur pense toujours de faire un bon choix. Mais quand t'as un haut choix dans le classement, te donne pas ce que tu t'attendais, il y a quelqu'un qui va payer le prix. Alors que là, en plus, que je rajoute, soit dire, je me répète, là, en plus d'avoir des choix qui ont pas fait le job, ils ont un choix qui était pour devenir un des top 5 défenseurs de la Ligue. Selon moi, qui est Sergachev, il l'échange. Mais moi, Sergachev, je le regrette moins que Ryan McDonough. Que Ryan McDonough? Ah, regarde. Parce que Sergachev, pour donner quoi, il faut peut-être de quoi? Même pas le même genre de joueur. Ouais, mais c'est parce que McDonough, tu l'as donné, tandis que tu l'as carrément donné, tandis que l'autre, tu l'as échangé. Ouais, ça, c'est sûr. Tu l'as donné carrément. Sois honnête, là. Ouais. S'il avait gardé Radulov, je suis pas sûr qu'il aurait donné autant pour avoir Drouin, moi. Non, c'est sûr. Puis là, Drouin, c'est un francophone. Fait qu'il s'est fait mal d'un bord. Puis tu sais, là, moi, j'ai jamais entendu dire que Drouin devrait jouer au centre. Ils arrivent à Montréal, ils font jouer au centre. Ouais. M'excuse. Moi, je les ai vus jouer. Quand ils étaient à Halifax, j'ai suivi la série contre Rimouski. J'étais dans le bas du fleuve à ce moment-là pour mon travail. Puis Drouin avait joué du bon hockey. Puis il y a même des gens avec qui j'avais parlé qui disaient si son partenaire qui joue à Colorado maintenant, McKinnon, ouais. S'il était bon de même, c'est à cause de Drouin. Tu sais, ça allait jusque-là. Mais c'est, selon moi, c'est pas un joueur de centre. Puis l'autre affaire qu'on a faite, comme on fait toujours à Montréal, c'est qu'il est arrivé à Montréal, ça a été Dieu le père tout de suite, il n'y avait pas un match de jouer. Le petit kid, il y a de la pression. Là. Tout le monde dit, ah, il est capable d'en prendre. Je pense qu'il s'aperçoit actuellement, c'est quoi de la pression, là? Là, il voit c'est quoi. Ouais. D'après moi, il sert son bâton un petit peu plus. Ouais, ouais. C'est normal, là. Moi, je le blâme pas. Écoute, il y a du talent, Drouin, là. Il y a du talent. Mais tu sais, en même temps, là, tu sais, t'as une défensive à reconstruire. Moi là, sais-tu où? Puis, écoute, moi, Markov, j'ai toujours aimé Weber, moi, quand il jouait à Nashville, OK? Weber, depuis qu'il est à Montréal, il joue juste pour moi, là. Les gens vont penser ce qu'ils veulent, là. Moi, je pense que Weber joue du hockey ordinaire, entre autres, cette année. Mais il était même pas de comparable à Markov. Markov, c'est un bon first passer. Tu sais, le Markov, cette année, à 39 ans, il lui manque, là. Il lui manque beaucoup. En plus, il laisse aller Emelin par obligation, tu sais, à cause du repêcheur, à cause de l'expansion. Il laisse aller Beaulieu. Il remplace ça par... tu sais, Schlemko, là, je pense que c'est à toi, je l'ai dit, ou c'est une autre émission de radio... Schlemko, je connais des gens qui... Je ne peux pas nommer, non. Il est ordinaire, il frappe pas. Ça se fait les trois, ça ne touche pas par ça. C'est Petrie, c'est pareil. Petrie, on a beau dire ce qu'on voudra. C'est qu'Edmonton était en reconstruction quand Petrie s'est emmené à Montréal. Edmonton n'a même pas fait un effort pour leur signer. Montréal, il donne 6 millions par année. Il dit, c'est sûr, je suis content de jouer à Montréal, j'espère. Il n'y a pas un club qui donnait ça 6 millions par année. Tu sais, à quelque part, mais je reprends pour te dire ce que tu voulais dire tantôt. Au niveau du repêchage, quand tu dis que tu as décroché de Bergevin, c'est sûr que, tu sais, ça fait mal que tes premiers choix soient pas dans l'alignement. C'est pas, je m'en rappelle pas quelle équipe que je voyais qui sont plein de choix. Tu sais, Toronto, ils ont fait des critiques de bons choix, là. Ils ont payé à notre longtemps. Y a-tu quelqu'un qui veut payer à notre à Montréal? Pas sûr. Ben, pis c'est pas rien que ça non plus. C'est que c'est pas nécessairement ton premier choix. C'est que moi, j'ai toujours su, Joe, que... Un repêchage doit fournir minimum un joueur par repêchage, qui soit dans l'alignement. Deux, c'est un bon. Trois, c'est excellent. On est loin de ça. Hein? L'autre affaire aussi, c'est le repêchage. Normalement, les gros choix, c'est 3, 4, 5. Parce que le choix numéro un, ton premier choix, tu prends le meilleur qui est disponible. Alors que tes choix 3, 4, 5, tu y vas avec tes besoins. Tu sais, tu regardes pas là, que le gars, admettons que c'est un joueur de centre, t'en as trois bons, tu ne repêcheras pas un autre joueur de centre. Tu tu vas y aller pour tes besoins. Si tu es un bon défenseur, tu as besoin de défenseur, c'est ça que tu vas repêcher. Mm. Alors que le premier, ton premier choix, tu prends le meilleur. Même si tu en as 8 comme lui, tu le prends parce que c'est le meilleur. Tu sais, Edmonton, c'est un peu ce qui les a reculés dans leur affaire. C'est qu'à un moment donné, les premiers choix qu'ils ont pris, c'était tous des joueurs pareils. Ouais. Ils ont commencé à échanger. Ils ont échangé Taylor Hall. Ils ont échangé Eberle. Tu sais, à quelque part, à un moment donné, il faut... Dans le temps de Serge Savard, il y avait, tu sais, c'était pas fort, premier choix, là. On se rappelle des Terry Ryan, des David Wilkie. Mais par contre, il allait chercher des Mathieu Schneider, des Patrice Brisebois, des Stéphane Richer, des Claude Lemieux, des joueurs qui, il allait chercher un deuxième round. En tout cas, c'est pas fort en première ronde, mais en deuxième, troisième, quatrième round, il tirait fort. Allez, en terminant, Joe, je veux as-tu pris connaissance des propos de Serge Savard cette semaine? Serge, à quel sujet? Serge qui a planté l'organisation un petit peu du Canadien, il a planté un peu Marc Bergevin. Serge Savard, dans un rôle de sage, de conseiller, est-ce que tu le reverrais dans l'organisation du Canadien? Conseiller senior, une espèce de conseiller senior. J'ai eu l'occasion, j'ai jasé avec quand je suis allé à l'antichambre l'an dernier. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, la place est aux jeunes. Hein. Tu sais, il a décroché de ça. Conseiller, là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, il y a tellement de joueurs de hockey, il faut que tu les vois un peu. Il faut que tu connaisses son équipe, tu connaisses ta gang, tu connaisses... Oui, mais comme conseiller, je te parle comme conseiller senior, là. Tu sais, moi, mais tu sais, quelque part, conseiller senior. Exemple, je te donne un exemple. Ouais. Que lui, Bergevin, aurait demandé à Serge, « Hey, Serge, j'ai la chance d'échanger Subban pour Weber. » Mettons que Serge, il dit, tu ferais pas. Moi, je me rappelle, à ce moment-là, quand j'ai passé à Montréal à l'antichambre, là, ça se parlait avec Subban. Puis lui, il avait dit à l'antichambre, ce soir-là, là, te change pas un gars comme Subban. C'est OK? Fait que, tu sais, là, le gars qui est en place, qui s'appelle Bergevin pour l'instant, il va-tu changer son fusil d'épaule parce qu'un vieux de la vieille lui dit, ouais, mais, tu sais, le hockey, c'est comme dans le business, hein, c'est un pif, faut-il le pif. Ah oh, ouais, mais Serge. Tu sais, à quelque part, là, il est avec sa nouvelle gang, Bergevin. Oui, je sais. Le reproche que je lui ferais, là, Danny, le reproche de moi, si tu me demandes à moi, c'est que la gang qui travaille pour lui, les Derek Dougley et compagnie, si je ne sais pas lequel là-dedans qui lui conseille, les gars qui signent comme Hemsky, comme tu sais, la gang qui a signé, que, je ne sais pas qui lui dit. Moi, je suis assis dans mon salon à Saint-Augustin-de-Desmaures à Québec, je ne sais pas ce que tu sais ce que c'est. Ben oui, je sais ce que c'est. Bon, ben, je regarde le hockey, puis moi, je sais que Hemsky est fini, puis je suis à Saint-Augustin. Je le sais qu'il est fini, ça marche plus, il est trop blessé. Tu sais, tu parles de blessure, puis il tombe blessé. Puis là, il signe. C'est beau dire qu'il coûte pas cher. Il prend la place d'un jeune qui est à Laval présentement, ou qui est à Hamilton avant, ou whatever, à Saint-Jean. Puis il prend la place de quelqu'un. Ouais. Le quelqu'un qui pourrait prendre sa place coûterait pas cher non plus. Parce qu'aujourd'hui, nous autres, des gars comme toi puis moi, puis des gens qui nous écoutent, Danny, quand on se fait dire en pleine face, c'est juste 1 million. Comment c'est juste 1 million? 1 million, là, 1 million. 1 million, ça n'a pas l'air beaucoup, hein? Mm. Ben, moi, ça l'est beaucoup pour moi. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, 1 million ici, t'as 1 million là, 1 million là, c'est peut-être 1 million qui te manque pour signer Radula, tu sais, quelque part. Hein? Ouais, fais des choses de même, puis. À quelque part, là, les Hudons de ce monde, il y en a d'autres, là, tu sais. Donne 1 million, là. 1 million, donne ça à un autre Hudon, là. Je sais pas ouais. Qui, là, mais il va y en avoir d'autres. Tu sais, François Beauchemin était libre toute l'année, par contre. Toute l'été, puis François Beauchemin aurait fait la job autant que Jordy Benn, puis autant que Joe Morrow, puis autant que... Ouais, ça, là-dessus, je suis obligé de te dire que t'as un bon point, mais en même temps, là, en même temps, faut arrêter ça. Tu sais, là, c'est pas parce... Moi, Beauchemin, là, quand Toronto l'a signé, je l'aimais bien quand il était à Anaheim, mais rappelle-toi qu'il jouait avec Nathan Meyer, c'est pas la même chose, hein, il est arrivé à Toronto, il est archi pourri, ils l'ont laissé aller. Lui, il a bien joué quand il était à Anaheim, OK? Fait que là, il est allé au Colorado, c'est à l'ordinaire. Mais tu sais, tu peux pas toujours retourner en arrière. Non, comme si tu me disais que le Canadien, demain, ça irait bien s'il ramenait Marcel Bonin, tu sais. Ouais. Non, non, faut-tu y aller avec les gars qui vont bien. Tu sais, les gars que tu peux... Tu sais, exemple, là, je te donne un exemple. Exemple, Ottawa a bougé avec Duchesne, Tourist, tout le tralala. Mais tu sais, c'est des gars, ça veut pas dire que Duchesne, pour l'instant, il va pas bien, mais c'est un bon joueur d'hockey. Tu sais, tu vas chercher des gars qui ont du futur. Tu sais, ben, Beauchemin, il est rendu en fin de carrière. Les gars, tout ça, venir finir leur carrière à Montréal. C'est sûr, le gars, il va te donner 3-4 millions, puis il vient à mon champ pour avoir du fun. Le Canadien, c'est le temps qu'il y a avec des jeunes. Ouais. Les gars, exemple, je te donne un exemple qui n'est pas ça pantoute. mais tu donnes un Pacioretty pour aller chercher un gars de 22 ans. Tu sais, regarde le Saint-Louis, ils ont été chercher Shen qui était à Philadelphie. Tu sais, là, que si trio avec Tarasenko, là, duo avec Tarasenko, ben tu sais, c'est un jeune, là. Ouais. C'est sûr que c'est pas Wayne Gretzky, mais il y a quelqu'un dans l'organisation qui a dit à son gérant, faut aller chercher ce gars-là, on est capable de le sortir. Non pas arriver et dire, on va signer Beauchemin, ça va nous aider pour... Non, c'est sûr, c'est pas pour t'insulter, mais il faut que tu sois capable de déterminer. C'est ça qui est la différence entre les gagnants et les perdants. C'est sûr. Capable de dire, il y a un gars qui dort à quelque part, il faut aller le chercher. Comme il a fait à un moment donné, c'était qui donc qui a amené, qui a bien performé à Montréal? Ou c'était-tu Vanek qui a bien joué dans les playoffs? Il avait une saison ordinaire, il l'emmène à Montréal, il a bien figuré dans les playoffs. Il me semble que c'est Vanek. Tu sais, à quelque part, il faut que tu sois capable. Tiens, ben regarde, on va en prendre une plus facile. Je t'ai dit Vanek, je me trompe peut-être. Radulov, j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ce qu'il a fait là, moi. Tu sais, il était allé signer Radulov. C'est un bon move qu'il a fait, là. C'est des moves de même, il faut que tu sois capable de faire. Pas là parce qu'il l'a échappé, là. Mais au moment où il est allé le chercher, tu sais, c'est ça qu'il faut être capable de faire. Joe, on s'en reparle dans deux semaines. On s'en reparle, jeune homme. Merci beaucoup. On s'en reparle quand le Canadien va être en troisième. Salut, Joe Hardy, notre collaborateur hockey.